Aniste Kuli. Baudelaire Kouyena. Visa à trois lettres. Il y a des premières possibilités. Jackson Djeko. Voyons qu'on a la vie. Ayo Charles de Gaulle. Évariste Bouchard. Marcelin Chichambo. Antoine Gomes. Maton qui en plein bataille. Tout à l'heure, journaliste. Tout à l'heure, médecin. Eric Mungania. C'est le bon avec comment un ministre DJ Franck. Je n'ai pas connu la joie au coup d'un honorable. C'est un bon ami, livre la gentille. C'est un coup d'un bon ami, il est bon à la vie Shangena. Maoka Zadina en Hollande, où il est nommé la frappe encore, Blanchard Mumba. Nom de la lame. Maman Niki Nalwana, à droite Niao Yan Zambé, de Napoli Lipema. Fortune Sescamia.